Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super, super grand écran. Bah, dans celle de ma mère aussi. Et même qu'elle reçoit des messages dessus. Bah, moi, mon père, il tape le message direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude ? Au volant, le téléphone multiplie les risques d'accident. Assurance Prévention, une association de la Fédération Française de l'Assurance. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Le cours de l'histoire s'intéresse aujourd'hui à la libération des camps de concentration et d'extermination, symbole de l'horreur nazie. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Tannhauser, Lohengrin, la Valkyrie. Est-ce qu'écouter trop Wagner donne envie d'envahir la Pologne ? En tout cas, Woody Allen l'affirme dans son film « Meurtre mystérieux à Manhattan ». Quand j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Oui, beaucoup d'humour. Nous voici donc en Pologne, mais sans Wagner. Et là, que ressent-on quand une jeune violoniste, à la nuit tombante, joue un morceau venu de la tradition yiddish dans le quartier juif de Kazimierz, l'ancien ghetto de Cracovie ? Une émotion que je n'oublierai jamais. Et qu'entend-on en allant sur le site d'Auschwitz ? Le silence ? Non, non, surtout pas le silence. À Auschwitz, aujourd'hui, ce que l'on entend, c'est le chant des oiseaux. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers à l'occasion des 75 ans de la libération des camps. Des camps, il reste les images que nous ont laissées les Alliés au moment de la découverte, mais pas seulement, il existe des clichés pris de l'intérieur. Oui, nous en avons parlé hier, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, le podcast. Vous pouvez en discuter sur le groupe Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux, le cours de l'histoire. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un autre aspect qui, comme tous les jours en fait, évoque notre contemporain. Étudier et enseigner la Shoah, un défi sans cesse renouvelé. Avec vous, Audrey Kichlewski, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Vous êtes ce matin présente avec Jean-Charles Churec, bonjour. Bonjour. Directeur émérite de recherche au CNRS. Et vous venez pour cet ouvrage « Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique ». Il faut juste rappeler que cet ouvrage ne vient pas de nulle part, car c'était un colloque qui a fait beaucoup parler. Vous y étiez à ce colloque. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce colloque ? C'était en février 2019. On l'a même organisé. Nous y étions, nous l'avons organisé, nous étions un petit comité, Audrey Kichlewski, Annette Wiewiórka et Judith Lioncan. C'est un colloque qui faisait suite à une loi qui avait été promulguée en Pologne en 2018, une loi qui pénalisait quiconque attribuerait à la Pologne, à la République de Pologne ou à la nation polonaise, des faits de la Deuxième Guerre mondiale qui seraient imputables au Troisième Reich. Cette loi pénalisait en ce sens qu'elle elle pouvait aller jusqu'à 3 ans de prison. Elle visait directement nos collègues polonais. Car il faut savoir qu'en Pologne, depuis une quinzaine d'années, à la suite d'un ouvrage qui est sorti d'un de nos collègues américains d'origine polonaise, Jan Gross, dont on parlera peut-être, une école qui a cassé un consensus historiographique qui, en ce qui concerne la place des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, les situait comme étant, d'un côté, il y avait des Polonais qui aidaient les Juifs, et de l'autre côté, il y avait des rebuts sociaux, des marginaux sociaux. Cette école a cassé cette image-là en installant une zone grise, en montrant qu'il y avait des complicités polonaises dans la Shoah. Et quand cette loi a été promulguée, que nos collègues ont été incriminés, nous avons décidé, notre collectif, d'organiser cette conférence. Cette conférence a donc eu lieu et elle a été perturbée de manière incroyable par des éléments de la droite extrême polonaise. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, Audrey Kichlewski ? C'était particulièrement violent. Oui, c'était particulièrement violent. Déjà, en amont de la conférence, on a reçu des menaces si cette conférence devait avoir lieu. Nous n'avons pas reculé et effectivement, en plein cœur de Paris, dans le grand amphithéâtre de l'École des hautes études en sciences sociales, où se tenait la conférence, durant toute la journée, durant toutes les deux jours où a duré cette conférence, un petit groupe, toujours renouvelé, mais toujours bien présent, que Jean-Charles a appelé les vociférants. Et il l'était. Voilà, il l'était. s'est succédé pour perturber violemment par des cris, des insultes, des gestes à l'encontre des participants. Surtout pas le d'ailleurs. Oui, c'était un groupe effectivement pas forcément venu de Pologne, mais de Polonais résidant en France, qui exprimait de manière brutale, violente et totalement incorrecte dans une arène scientifique leur désaccord avec les propos qui étaient tenus. Eh bien, de ce colloque est tiré cet ouvrage, Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique, c'est au CNRS édition et avec nous également ce matin dans le cours de l'histoire, Yannis Roeder, bonjour. Bonjour Café Mauduit. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis, responsable de la formation mémoriale de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Yannis Roeder, vous publiez « Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse ». Et là, le public que vous rencontrez ne sont pas des nationalistes polonais qui viennent perturber un colloque, mais ce sont des élèves, nos élèves, j'étais moi-même longtemps enseignant, et c'est vrai qu'il y a des questions. Cet ouvrage, en fait, est issu presque d'un constat, d'une nécessité. Oui, une nécessité, je crois, de nous questionner d'abord sur ce que nous avons fait de cet enseignement et ce qu'il faudrait en faire. Ce que nous avons fait, je suis parti d'un constat simple, c'est que nous avons brandi pendant des années l'enseignement de l'histoire de la Shoah comme rempart. D'ailleurs, pas uniquement l'enseignement, dans les discours publics. On parlait de la Shoah comme rempart au retour de la bête immonde, comme rempart contre le retour du racisme, de la haine et de l'antisémitisme. Il nous faut constater que l'antisémitisme n'a jamais été aussi virulent en France depuis 20 ans et depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait là quelque chose à questionner. Et dans le cadre de mes responsabilités au mémoire de la Shoah, j'ai questionné cela face à mes élèves aussi, qui m'ont beaucoup aidé à réfléchir, parce qu'ils ont été les premiers à me dire, il n'y a pas que les Juifs, mais pourquoi on se focalise sur eux, il y a d'autres crimes, etc. Et ça m'a amené à réfléchir et à renverser le prisme, et je me suis dit qu'il fallait sortir de la charge morale que l'on confiait à cet enseignement pour lui donner ce qu'il mérite, c'est-à-dire un enseignement, qu'il soit un enseignement historique et politique. Historique et politique, c'est l'aspect complexe de ce sujet-là. Nous le voyons parce que c'est un objet d'histoire, évidemment. Il y a la démarche d'historien, mais malgré tout, il y a de la mémoire et des passions. Vous l'avez bien vu lors de ce colloque autour des Polonais et de la Shoah. Et bien justement, pour commencer cette émission, nous allons faire un petit tour en Pologne, mais le 10 juillet 1941, à travers un ouvrage de Jan Kross, vous l'avez cité, Jean-Charles Churek. Cet ouvrage s'intitule « Les voisins », 10 juillet 1941, un massacre de juifs en Pologne. Il nous est lu ce matin dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau. Tout a commencé, on s'en souvient, dans la matinée du 10 juillet, par la convocation de tous les Polonais adultes, les hommes seulement, à l'hôtel de ville. Mais les rumeurs de l'offensive qui se préparait contre les Juifs avaient dû circuler plus tôt, sans quoi les habitants des hameaux voisins n'auraient pas convergé par charrette entière vers la ville depuis l'aube. J'ai dans l'idée que certains d'entre eux étaient des vétérans des pogroms meurtriers, dernièrement accomplis dans le voisinage. Quand une vague de pogroms balayait une région, il y avait toujours un noyau dur de pillards, circulant d'un endroit à l'autre, pour venir épauler les habitants du cru. Un extrait de l'ouvrage « Les voisins », 10 juillet 1941, un massacre de juifs en Pologne, un ouvrage de Jan Gross. Dites-nous, en quoi cet ouvrage a été une rupture dans la perception que l'on a pu avoir, ou en tout cas dans la construction de la position des Juifs pendant la Shoah. Jean-Charles Churek. Je l'ai esquissé tout à l'heure. La Pologne a été envahie par l'Allemagne nazie et par l'Union soviétique en septembre 1939. Elle a constitué une résistance qui était une des principales résistances armées en Pologne, et ça a été un pays martyr. De cette martyrologie est née une histoire et une mémoire qui fait de la Pologne un pays innocent. Il n'y avait pas de place pour un deuxième martyrologue qui serait celui des Juifs. Et l'histoire telle qu'elle a été construite depuis 1945 jusqu'à pratiquement 1999, jusqu'à l'an 2000, est celle d'une histoire où cette Pologne innocente ne faisait pas de place aux crimes commis contre les Juifs. Et ce que l'extrait que vous venez de citer montre, c'est qu'il y a eu des crimes. Il y a eu le massacre de Jedwabne dont parle Jan Gross, à la suite de la révélation de ce massacre en 1999, en 2000, quand le livre est sorti, les autorités polonaises, scientifiques, politiques, se sont posées la question de savoir mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que cela a été possible? Cela cassait le mythe de l'innocence. Cela a provoqué un débat national. Au point que les autorités ont mandaté des historiens officiels, d'excellents historiens, pour vérifier si ce que disait Jan Gross, que l'on critiquait pour son appareil scientifique léger, on pourrait y revenir d'ailleurs, c'est un débat intéressant, il le critiquait et il disait il faudrait vérifier tout cela. Et ils l'ont vérifié en mandatant plusieurs dizaines d'historiens qui ont été contrôlés dans les archives biélorusses, russes, polonaises, allemandes, si ce qu'ils disaient était vrai, pensant que cela était faux. Il s'est avéré que c'était vrai, et non seulement que c'était vrai dans la localité de Jedwabne, mais dans toutes les localités aux alentours. Et ça a été une surprise de se rendre compte que les Juifs ont été victimes des Polonais et pas seulement des nazis en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Audrey Kischlewski, c'est quelque chose que l'on entend malgré tout, qu'on a toujours entendu. Oh là là, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des pogroms. Mais cela n'avait pas marqué en fait l'histoire de la Pologne. En tout cas, les autorités avaient complètement gommé tout cela. Nous voyons bien le pourquoi, c'est même pas la peine de l'approfondir. On le comprend, l'Union nationale, on cache les crimes, bien sûr. Mais malgré tout, il y a une mémoire. Les gens se souvenaient. Cette mémoire était occultée. Cette mémoire, en effet, existait. Elle était bien évidemment très vive chez les rescapés en Pologne et ailleurs en Europe et dans le monde. C'est celle-ci qui était énoncée et transmise. Maintenant, en Pologne même, ce récit-là était inaudible pour tout un ensemble de raisons politiques et sociales au premier chef. Oui. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire, mais les Juifs qui ont été victimes de cela pouvaient porter cette mémoire. Mais il faut rappeler ce qui s'est passé pour les Juifs en Pologne, qui étaient plus de 3 millions avant la guerre et qui étaient 300 000 après la guerre. C'est-à-dire que eux qui auraient pu porter une mémoire ou un témoignage n'étaient plus présents. Oui, non seulement, effectivement, vous avez cité les chiffres, ils n'étaient quasiment plus présents. Et par ailleurs, dans les années qui suivent la fin de la guerre, l'installation du nouveau régime en Pologne et ses conditions d'insécurité, d'antisémitisme et de menaces physiques sur cette poignée de rescapés, ces survivants, justement, vont quitter la Pologne assez massivement. Hein, plus de la moitié d'entre eux quittent le pays en 5 ans. Ensuite, des vagues d'émigration successives se succèdent dans les années 50 et 60. Et au-delà. Donc, effectivement, on a pratiquement plus de communautés capables de porter cette mémoire, et celle qui demeure n'est pas écoutée, n'est pas entendue. Oui, Jean-Charles Churek. Oui, c'est-à-dire que la mémoire était individuelle chez les survivants, comme le dit Audrey. Elle était présente chez les paysans polonais qui avaient participé, qui avaient assisté, qui étaient témoins. Et il n'y avait pas d'expression collective de cette mémoire. Et elle n'est venue, cette expression collective, qu'avec le travail des historiens polonais. C'est ça qui est très intéressant. Quand c'est eux en démontrant et en montrant que le phénomène qu'on observe à Yud-Vabné avait aussi des répercussions, des résonances, des correspondances pratiquement dans toute la Pologne occupée, de différentes manières. Il n'y a pas eu de pogrom partout comme à Yud-Vabné. Il y a eu des actes isolés ou moins isolés. Tout ça est expliqué dans le livre, et y compris dans les livres de nos collègues polonais traduits en français. Il y en a qui ont été publiés chez Kalman Levy. Quand ces historiens polonais ont donné une expression collective par leurs travaux à ce qui était une mémoire individuelle. Et c'est pour ça qu'en Israël, quand la loi est passée, il s'est passé quelque chose qui n'avait pas eu lieu avant, à savoir que collectivement, il y a eu une émotion. Comment est-ce qu'on a pu passer une loi? Parce que chaque famille individuellement savait, chez les survivants, qu'il y avait eu des problèmes avec les voisins polonais. Mais il n'y avait pas eu d'expression collective à cela. Les historiens ont permis cette expression collective qui a indigné profondément l'opinion publique en Israël, au point qu'elle a aussi indigné les autorités israéliennes. Il a fallu attendre pour qu'il y ait cette expression collective d'une mémoire qui jusqu'alors était individuelle, mais il était difficile de mettre en place une mémoire collective de ce qui s'était passé quand il y avait une volonté du pouvoir de pousser à l'antisémitisme. Nous allons faire un petit tour en 1956 dans les actualités françaises, qui jettent un œil vers la Pologne. À Varsovie, de profonds bouleversements politiques s'accomplissent. Au milieu d'une fièvre générale qui agitait toute la nation, des étudiants aux ouvriers, le comité central du Parti communiste polonais a réintégré et replacé au comité central son ex-leader Gomulka, qui en 1951 avait été emprisonné pour déviationnisme. Hier, Oni, Gomulka prend aujourd'hui la seconde place dans la politique de son pays. C'est après Poznan une nouvelle phase de la crise des satellites de Moscou. Et c'est dans l'histoire de la Pologne un nouveau chapitre qui s'ouvre. Un nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'histoire de la Pologne avec Gomulka, ce personnage qu'il faut présenter et qui joue un rôle dans la construction d'une mémoire, une mémoire qu'on impose à l'ensemble de la population, c'est-à-dire que l'antisémitisme, nous sommes dans le bloc de l'Est, hein, nous sommes dans la Pologne qui est alliée à l'URSS, il y a une forme d'antisémitisme liée au pouvoir. Oui, alors c'est pas Audrey Kishlevski. C'est Gomulka, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, c'est plus dans les années 1960. Oui, et même à contrario, en 56, Gomulka incarne une voie polonaise vers le socialisme, un espoir même, et parvient même dans un premier temps à faire des voix antisémites qui se réveillent avec la déstalinisation, avec le dégel, avec ce moment où on va accuser les juifs du gouvernement, enfin, ceux qui sont perçus et vus comme juifs, d'avoir été les suppôts du stalinisme et de la terreur stalinienne. Donc il y a déjà un premier rejeu de cet antisémitisme autour de 56. Gomulka est le leader un peu providentiel qui calme le jeu. Seulement, les années passent et à partir du milieu des années 60 aussi s'installe autour de lui, notamment son ministre, ses ministres, Mochar en particulier, et tout un ensemble de personnalités autour de lui qui renverse un peu la vapeur. Et là, de nouveau, les Juifs vont être révisionnistes de l'histoire, du régime, ceux qui veulent aller plus loin dans dans les réformes et bientôt à la fin des années 60 effectivement ce sera les Juifs seront de nouveau un bouc émissaire commode et on convoquera l'antisémitisme pour activer la répression contre les étudiants, contre les intellectuels réformistes et ça sera l'objet d'une campagne antisémite du printemps 68 donc au moment où Gomulka va embraser cette campagne parce que elle sert aussi un certain nombre d'intérêts politiques. Oui, il faut quand même dire une chose, c'est que aussi bien en 56 qu'en 68, et je pense que nous serons d'accord là-dessus, le moment antisémite, puisque c'est le mot employé et il n'est pas faux, le moment antisémite n'est pas le plus important. Ce qui est plus important en 56, c'est la libéralisation du régime. Hein. Gomulka est le héros qui terrasse le stalinisme, mais lui-même va au fur et à mesure se restaliniser. Et en 68, quand il y a une révolte étudiante, qui est un mouvement des intellectuels et des étudiants contre la dictature de type soviétique, le facteur antisémite s'intègre dans quelque chose qui est plus vaste et qui est ce mouvement-là. Aujourd'hui, on a assisté à une commémoration en 2018 à Varsovie. Ce moment démocratique a été effectivement supplanté par cette situation qui a été faite aux Juifs en 68. Mais historiquement, c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la mémoire se supplante à l'histoire. Mais dans cette affaire-là, en réalité, l'histoire, c'est quand même un moment démocratique qui a été terrassé. Le mot revient régulièrement, ce mot d'antisémitisme. L'antisémitisme polonais que l'on voit au moment de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et sans doute évidemment avant, que l'on retrouve après, que l'on retrouve dans les années 1960. Comment on l'explique, cet antisémitisme-là? C'est le même qui continue, ou est-ce qu'avec les différents jeux de mémoire, il s'appuie sur d'autres formes d'antisémitisme? Notamment, je pense à Israël. Difficile de répondre à une telle question. Pour moi, l'antisémitisme est polymorphe, il prend des formes donc différentes d'une situation à l'autre. Tantôt on accuse les juifs d'être capitalistes, tantôt on les accuse d'être staliniens. Maintenant on les accuse de perturber l'histoire nationale polonaise. Enfin voilà moi comment je répondrai à votre question. Yannis Roeder, justement l'antisémitisme évolue, c'est-à-dire que l'antisémitisme tel qu'il a pu s'exprimer sous la Seconde Guerre mondiale n'est pas le même que celui que l'on va retrouver aujourd'hui parfois dans les classes. Oui, vous avez, alors tout à fait, alors si on parle de la France, moi je vais quitter un peu la Pologne, vous m'en excuserez, même si c'est absolument passionnant, l'antisémitisme que l'on entend aujourd'hui en France, dans les classes ou à l'extérieur, me semble avoir trois origines différentes. Vous avez d'abord ce vieil antisémitisme français, on va appeler ça traditionnel. Vous avez celui qui est porté par des enfants issus d'une immigration plus ou moins récente et qui emprunte parfois au discours islamiste. Et puis vous avez un discours venu de l'extrême gauche qui, lui, va se farder ou se cacher derrière l'antisionisme, c'est-à-dire ce que je considère moi étant l'antisionisme, c'est le refus de droit à l'existence d'un État qui s'appelle Israël. Voilà. Et vous avez là une conjonction et parfois une convergence, comme a pu le montrer Pierre Birnbaum, hein, une convergence de ces antisémitismes. Dans cette construction-là, il y a aussi un sentiment national. C'est le cas en Pologne, justement, où quand, dans les années 1960, la télévision française s'intéresse à l'histoire de la Pologne, c'est une émission qui s'appelle 1939-1956, La Pologne, actualité française, nous allons voir, dans la recherche de ceux que visaient les nazis, que les juifs ne sont pas polonais. Les juifs sont un élément à part dans la construction qui est faite de la Pologne à ce moment-là. Septembre. C'est contre la Pologne que Hitler lança le premier assaut de la dernière guerre mondiale. En réalité, ce fut un assassinat. Un assassinat délibéré. La guerre éclair dura 17 jours. Ce n'était que le début d'un long martyre. Hitler avait donné des ordres. Exterminer les juifs, l'intelligentsia, le clergé, la noblesse, après les autres. Dans les années 1960, en 1967 précisément, à la télévision française, une lecture de l'histoire de la Pologne, donc nous sommes toujours dans des enjeux de mémoire, qui séparent les juifs des polonais. C'est au cœur de la question, dans la réflexion que peuvent avoir les historiens français bien sûr, mais surtout polonais, c'est quelle était la place des juifs, quel regard était porté sur les juifs et qui peut expliquer qu'on n'ait pas regardé ces juifs comme étant des polonais, qu'on a voulu gommer l'horreur liée aux juifs pour rattacher tout aux polonais comme victimes. Audrey Kiszlewski. Oui, alors c'est en même temps pas si étonnant que ça, hein. Les juifs en Pologne constituait une minorité dite nationale. C'était ainsi qu'ils étaient dénommés, hein, au même titre que la minorité, je parle avant la guerre, hein, que la minorité allemande, lituanienne, ukrainienne, etc. Et de fait, dans la place qu'ils occupaient avant la guerre, hein, ils n'étaient pas véritablement considérés comme des citoyens à part entière. Hein. Ils faisaient l'objet de tout un tas de discriminations bien avérées. Et voilà, donc il n'y avait pas véritablement de raison que ça change. Ça s'est évidemment aggravé avec l'occupation et la situation de guerre. Et après-guerre, il n'y a pas de réflexion spécifiquement sur la place des Polonais, des Juifs, pardon, dans la nouvelle Pologne. Non, il reste une minorité nationale. Et voilà. Il reste une minorité nationale, mais c'est sans doute comme en URSS, c'est-à-dire que on ne met pas en avant les crimes de masse qui portaient sur les Juifs, on les met principalement plutôt sur une nationalité, on va dire les Polonais, pour avoir une position de victime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Charles Churek ? Non, pas complètement. Il y a quand même une donnée à laquelle il faut penser, c'est que il y a eu 6 millions de citoyens polonais, 5 millions et demi de citoyens polonais morts, 3 millions de juifs et 2 millions et demi de polonais. Et 2 millions de polonais, il n'y a pas de famille polonaise, il n'y a pas eu de morts, de déportés, d'amputés. Ça, c'est quelque chose qui a fondé le martyr polonais. Et les communistes qui prennent le pouvoir après la guerre construisent un récit national fondé sur le martyr polonais. Et dans cette construction-là, il n'y a pas de place pour deux martyrs. Hein. Et en ce sens, on efface quelque chose qui apparaît moins important et qui apparaît aussi comme étant un crime dont la... Il y a une différence de degré et non de nature dans les crimes commis par les Allemands. À l'époque, c'est comme ça que c'était perçu. La perception de la Shoah n'est venue, pas seulement chez eux, mais aussi chez nous, hein, que 40 ans après. C'est-à-dire, c'est pas effacé, c'est englobé, hein, et c'est vraiment très différent. Il n'y a pas de négation dans la Pologne communiste des crimes commis contre les Juifs. C'est plutôt c'est englobé. C'est englobé. Et du reste, effectivement, ce n'est pas spécifique à la Pologne communiste en Europe à l'époque. Avec une posture difficile qui est celle de la victime. Les Juifs sont d'évidentes victimes de la barbarie nazie. Il y a énormément de justes d'ailleurs en Pologne. Hein. C'est la nation qui compte le plus de justes. 7000. Et à la fois la posture du bourreau. Et ce positionnement est très complexe. C'est aussi sans doute pour ça qu'il a été difficile de faire admettre, en tout cas par les autorités, parce qu'on parle d'autorité, vu qu'il y a des lois qui portent là-dessus, l'idée que les Polonais ont pu être bourreaux. Mais ça dépend jusqu'à quel point ils sont bourreaux. Les Polonais n'ont pas eu de collaborateurs politiques façon Kissling ou façon Pétain. Ce sont des bourreaux qui se sont révélés des bourreaux chemin faisant dans les campagnes, quand les Juifs ont cherché de l'aide. Il y a un article de notre collègue Jan Grabowski dans ce livre qui est très intéressant, parce que il rappelle qu'à la fin de l'année 42, il y avait environ 250 000 Juifs qui étaient encore vivants en Pologne et qui avaient pu s'échapper des trains de la mort, qui avaient pu être dans les campagnes polonaises cachées par des paysans polonais ou chez les partisans dans les forêts. À la fin de la guerre, ils ne sont plus que 50 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés ces 200 000? Et ils sont morts. Ils sont morts soit par du fait de la chasse aux Juifs, la Judenjagd pratiquée par les Allemands qui pourchassaient des Juifs. Cela est bien montré dans ce livre et dans d'autres publications aussi. Et aussi de mauvais traitements, de malnutrition, mort de faim, et aussi du fait de paysans polonais. Donc, alors bourreau, oui, on évalue à plusieurs dizaines de milliers le nombre de victimes juives. Alors bourreau, oui, mais pas comme l'ont été, par exemple, les Roumains. Il ne faut pas mettre sur le même plan des crimes qui n'ont pas de correspondance. Alors après, on ne va pas hiérarchiser, parce que c'est vrai que c'est toujours très très compliqué. Non, mais les chiffres sont importants. On ne hiérarchise pas, mais enfin, quand on sait qu'il y a près de 300 000 Juifs qui sont morts du fait de la participation roumaine à la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas la même chose que les dizaines de milliers de Juifs tués par les paysans polonais ou par des concitoyens polonais. Je ne veux pas hiérarchiser, ce n'est pas un propos, mais enfin, les chiffres sont quand même, indiquent quelque chose. Oui, les chiffres et l'émotion. Comment vous expliquez qu'il y ait une telle émotion parmi les Polonais? pour que certains se déplacent pour un colloque universitaire afin de le perturber, parce que c'est un travail d'historien, d'historienne. Donc, comme vous le dites, c'est chiffré, c'est travaillé. Qu'est-ce qui pose autant problème ? Audrey Kishlevski. Ben justement, comme on l'a dit, hein, c'est que ce récit vient perturber ces représentations collectives qui faisaient que la Pologne était un pays essentiellement victime, ce qui est une réalité. C'est un pays, c'est une nation qui a été victime dans la Seconde Guerre mondiale, victime des nazis, victime aussi de l'occupation soviétique, mais que ce même pays, ces mêmes citoyens aient également pu participer, pu commettre des crimes, c'est ça qui est absolument insupportable et impossible à accepter pour ces perturbations. Oui, il s'est passé aussi quelque chose, c'est que la découverte du livre de Jan Gross a suscité un débat national avec un acte de repentance nationale qui a eu lieu le 10 juillet 2001 avec la présence du président de la République de l'époque sur les lieux du massacre. Et cette vérité de Jan Gross a mis 10 ans à se frayer en Pologne. Il y a eu ses autres publications ont enfoncé le clou, si je puis dire, les publications des colloques polonais également. Mais parallèlement, il y avait une réflexion menée par la droite nationaliste polonaise qui récusait cette avancée historiographique et historique en proposant le vieux récit. Et c'est ce vieux récit qui est revenu sur le tapis, le vieux récit de la période communiste. Hein. Ils sont un peu les héritiers des soviétiques d'une certaine façon. Bien, nous restons en Pologne dans le cours de l'histoire sur France Culture pour retrouver Adrienne Cooper. Adrienne Cooper qui chante le chant du ghetto de Lodz. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Wer klappt es also spät bei Nacht? Berle Polanschik. Oyef nefen bronchele, ich bin doch dein Kochanschik. Oyef nefen bronchele, ich bin doch dein Kochanschik. Wie soll ken ich dir öffnen? Hab meure von mein Taten. Oyef nefen bronchele, es wird dir gar nicht schaden. Oyef nefen bronchele, es wird dir gar nicht schaden. Wie soll ken ich dir öffnen? Ich hab meure von mein Mamen. Oi, öffn, öffn, Brunschele, ich will doch lang nicht zusammen. Oi, öffn, öffn, Brunschele, ich will doch lang nicht zusammen. Wie soll ken ich dir öffnen? Ich hab meure von mein Schwester. Oi, öffn, öffn, Brunschele, du bist bei mir die Schönste. But the time comes when the sweet old songs change, when the knock at the door is not the promise of love, but the specter of terror. Who's that knocking? Oh, Berle, thank God it's you. Open up, Bronchela, I'm so afraid. Open up. We'll hide here together. Adrienne Cooper, le chant du ghetto de Lodz dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père et le Gras avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, aujourd'hui dans le cours de l'histoire, enseigner la Shoah, étudier la Shoah, des défis sans cesse renouvelés. Ces défis sont sans cesse renouvelés. Yannis Röder, disons-le, parce que pour ceux qui sont professeurs, ceux qui connaissent des professeurs dans leur famille d'histoire-géographie, c'est vrai qu'il y a régulièrement une réponse. Dès que la Shoah est étudiée, on les connaît, il y a presque des classiques, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qu'on vous dit quand on étudie la Shoah ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me dit, les élèves vous Oui, les dire. Élèves. Bah, écoutez, à moi, ils ne me disent rien, en réalité. Ils me disaient, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, où je suis arrivé un petit peu la tête enfarinée, si vous voulez, en me disant, voilà, je vais faire un petit peu d'antiracisme, je vais profiter de la Shoah pour faire une leçon d'antiracisme. J'ai pris en pleine figure ce que m'ont dit mes élèves, justement, qui eux-mêmes se sentaient, pour des raisons légitimes ou pas, ce n'est pas mon propos, eux-mêmes se sentaient des victimes de l'histoire ou sociale et non reconnus et qui me disaient mais on en a marre d'avoir toujours les mêmes victimes, nous aussi, nous existons. C'est ce que cela signifiait. Et du coup, comme je le disais précédemment, Eh bien, je suis sorti du moralisme, si vous voulez, du compassionnel, et j'ai fait de l'histoire politique. J'ai fait de l'histoire politique pour montrer ce qu'était le nazisme, quelle était la vision du monde des nazis, combien l'antisémitisme était la colonne vertébrale de la vision du monde nazi, et expliquer en même temps cette histoire de l'antisémitisme, parce qu'elle n'existe pas dans les programmes. Et l'histoire de l'antisémitisme, c'est l'histoire des antisémites, c'est pas l'histoire des juifs. C'est différent, l'histoire des juifs qui n'existe pas non plus pratiquement dans les programmes. Hein. Donc... J'ai changé mon fusil d'épaule et aujourd'hui, si vous voulez, les élèves, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu abrupt, mais ne peuvent plus être antisémites, en tout cas dans leurs propos, leurs préjugés, face aux cours que je fais, puisque être antisémite, c'est adopter quelque part la vision du monde nazi, et parce qu'ils l'ont étudié, ils comprennent que cela relève d'une théorie du complot totalement fantasmatique, et donc cela disqualifie le nazisme, et en disqualifiant le nazisme, je pense parvenir à disqualifier, en tout cas comme cela, l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'émotion ne suffit pas pour expliquer la Shoah, comme on l'a beaucoup fait, moi-même je l'ai enseigné ainsi, on montre le film, quel qu'il soit, il y en a tout énormément, Nuée, Brouillard, La liste de Schindler, mais l'émotion ne suffit pas. Surtout, et c'est vrai, l'émotion ne suffit pas en histoire. Oui, et surtout, je pense qu'il ne faut pas rentrer par l'émotion. Il faut expliquer les processus politiques. Expliquer les processus politiques, c'est d'abord s'intéresser au bourreau. Pourquoi il pense le monde comme cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire, une idéologie? Faire comprendre aux élèves que l'idéologie, ça structure. Et en même temps, ça nous parle aujourd'hui. Hein. Donc, il s'agit aussi de former nos élèves à la citoyenneté d'aujourd'hui. Non pas à un antiracisme bêta, mais à une construction citoyenne qui permette de lire les événements du monde. Et l'histoire de la Shoah nous sert à cela. Et donc, ne pas rentrer par l'émotion, ce qui ne veut pas dire chasser l'émotion. L'émotion, nécessairement, quand on lit après, une fois qu'on a compris les processus politiques, qu'on les a mis en place et qu'on comprend la manière de voir et donc d'agir des nazis, on étudie des témoignages. Et là, l'émotion peut venir. Il ne s'agit pas de la chasser, il s'agit de la maîtriser et il s'agit de ne pas entrer par l'émotion. Et de comprendre l'émotion, de donner du sens. Yannis Röder, justement, une approche... classique, c'est le film. On va donner un exemple avec un film récent, un film de 2013 de Pavel Pavlikovski. Et ce film, c'est Tida. Ah, vous voyez, vous connaissez bien. Et c'est vrai que c'est un film où il y a l'émotion et à partir duquel on peut essayer d'expliquer la Shoah. Tu sais que tu es juive. Depuis tout ce temps, ils ne te l'ont jamais dit. T'appelles Ida Lebenstein. Tu es la fille de Chaim Lebenstein et de Rosa Hertz. Tu es née à Piaski, près de Wanja. Bon, terminez la réunion de famille. Je vais même m'habiller, je vais me mettre en retard. Non, il s'en robisz. Znał pan Lebensteinów? Mieszkali tu przed wojną. Żydzi? Nie, Eskimosi. Un extrait du film Ida de Pavel Pavlikovski, un film de 2013. Ida, un film que l'on pourrait étudier en classe, un film qui fait écho à la Pologne, dont nous parlions dans l'émission. Le souci, c'est que vous expliquez, Yannis Röder, dans votre ouvrage « Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse » chez Odile Jacob, vous expliquez qu'en montrant certains films aux élèves, que ce soit pianiste ou bien d'autres, ils ne font pas le lien avec la Seconde Guerre mondiale, parfois. C'est-à-dire que, en fait, ils font le lien quand on le fait en classe, mais ils ont parfois vu le film auparavant sans avoir fait le lien avec la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai des élèves, par exemple, qui... j'étudie des extraits du pianiste. Malheureusement, j'ai pas le temps, les programmes sont chargés. Quelques extraits du pianiste, et les élèves me disent « Mais j'ai déjà vu ça, mais c'est pendant la guerre ?» Je dis « Ben oui, c'est pendant la guerre. » C'est-à-dire qu'ils sont capables de voir un film et de ne pas le situer dans le temps. Ça veut dire que, en gros, ce qui les intéresse, c'est l'action du film, et ils regardent un peu le pianiste comme ils regardent Spider-Man, si vous voulez. C'est un vrai problème. Hein. Et donc, nous, enseignants, nous devons resituer tout cela, et en même temps leur expliquer qu'il y a des films de fiction qui s'attachent à l'histoire, et qui s'appuient sur l'histoire. C'est pour eux, parfois, difficile à comprendre. Et c'est aussi difficile à comprendre pour les enseignants, ou même n'importe quel parent, qu'il est nécessaire que nous enlevions de notre esprit tout le schéma que nous pouvons avoir afin de faire passer des idées. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que nous avons été baignés dans tout ça où tout est pour nous une évidence et la Shoah, nous le voyons comme crime et nous le datons. Mais c'est vrai que les jeunes générations, ce n'est pas exactement la même démarche. Tout à fait. Moi, j'avais dirigé pour la Fondation Jean Jaurès l'an dernier un sondage sur qui avait fait un petit peu de bruit d'ailleurs, hein, sur que savez-vous du génocide des Juifs, et on avait noté avec la Fondation Jean Jaurès, que 21% des 18-24 ans disaient ne jamais avoir entendu parler du génocide des Juifs. Hein, exprès, j'avais mis génocide des Juifs parce que dans le programme. Et 8% en avaient entendu parler dans leur famille. C'était 35% pour les plus de 60 ans. Ça veut dire que plus on s'éloigne de l'événement, moins on en parle dans les familles. Il y a aussi des familles qui, pour qui ce n'est pas l'histoire, qui sont françaises ou qui sont d'origine étrangère, et qui, pour qui ce n'est pas l'histoire, c'est très loin, et qui n'en parlent jamais. Et donc, aujourd'hui, c'est 76% des 18-24 ans ont entendu parler de la Shoah pour la première fois à l'école. Ça veut dire que, je reviens sur ce que je disais sur le pianiste, c'est-à-dire que le pianiste, ils ne font pas le lien avec la Shoah. Eh bien justement, un autre extrait de film. Ce film-là, c'est aussi un film récent, il date de 2014. Il s'intitule « Les héritiers », un film de Marie Castille, mention char avec Ariane Ascaride. Ariane Ascaride qui enseigne et qui est confrontée au même problème que beaucoup de profs et que les vôtres, Yannis Schroeder. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'antélo, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la rampe? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Madame, pourquoi on parle toujours des Juifs? Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité. Y a pas plus funky, là, comme concours? Je pense, moi, que vous avez énormément de choses à dire là-dessus. Vous trouvez ça bien raisonnable de faire passer ce concours à votre seconde? Moi, je vois ça comme du temps perdu, puis du temps que vous pourriez consacrer à d'autres élèves qui le méritent plus. C'est un extrait du film Les Héritiers en 2014. Et justement, la question qui se pose, c'est comment enseigner la Shoah. Et Ariane Ascaride, hein, qui tient le rôle du film, le rôle du professeur dans ce film Les Héritiers, propose un projet. Et il y a cette démarche-là qui est essentielle aujourd'hui, en fait, de construire un projet qui ne se limite pas juste à ce que nous avons peut-être connu, qui est le cours factuel de l'enseignement. Oui, tout à fait, c'est très important et ça se développe de plus en plus aujourd'hui. Les enseignants constatent l'aspect contraint des programmes et le temps que nous pouvons consacrer dans le cadre du cours classique, on va dire, à l'événement, est extrêmement restreint. Donc, beaucoup se lancent aujourd'hui de plus en plus dans des projets annuels qui permettent de vraiment rentrer dans cette histoire en partant parfois de l'histoire locale. Hein, il y a de nombreux projets qui vont dans ce sens-là, et en même temps de dépasser, parce que bon, dans le film dont on vient d'entendre un extrait, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup un peu de morale, un peu moralisante, hein, si vous voulez, mais il faut dépasser cette émotion, parce que le problème de l'émotion, si vous voulez, quand elle est subite comme ça, c'est qu'elle s'ancre dans la mémoire, et qu'une émotion peut en chasser une autre, et donc finalement l'événement Shoah et sa spécificité peut disparaître. Donc construire des projets au long cours, avec la démarche historienne, historique, et en ayant travaillé sur les processus, c'est tout à fait porteur. Et pour répondre à ce qu'on appelle de manière facile la concurrence mémorielle, parce que c'est quelque chose qui revient sans cesse, ah oui, mais les Juifs, c'est toujours les Juifs, oui. Alors qu'il y a d'autres gens qui ont souffert. Si on se contente de l'émotion du compassionnel, on va entrer, et on va provoquer même la concurrence mémorielle, qui est en fait une concurrence victimaire, c'est parce qu'aujourd'hui, certains considèrent que victime, c'est un statut social, et donnerait accès à des droits. Tout ça est un peu fantasmé, en réalité, mais c'est une vision des choses qui existent. Voilà, si vous voulez, pourquoi les Juifs et pourquoi pas nous, hein, donc c'est quelque chose qui est important et qu'on entend très régulièrement, en classe comme ailleurs. Hein, en classe comme ailleurs. Ce deux poids, deux mesures, si vous voulez, hein, dont on parle sans arrêt. Donc, travailler, oui, sur l'histoire. Faire de l'histoire politique et d'abord travailler sur les bourreaux. Et c'est parce qu'on a travaillé sur les bourreaux, sur l'idéologie, sur les processus politiques que les élèves peuvent mettre la main à la pâte et travailler sur l'histoire, par exemple, d'individus qui ont traversé tragiquement cette histoire. Et là, nous avons ce dialogue constant entre le travail du chercheur, le travail de l'enseignant, qui bien souvent d'ailleurs est le même, qui se rencontre. Et c'est un dialogue constant avec toujours un regard sur ces différents objets. C'est vrai que nous évoquions des films qui peuvent être montrés aux élèves en classe. Nous avons parlé d'Ida, Jean-Charles Churec, ce film Ida qui nous envoie... C'est un excellent film, oui, sur le plan esthétique, mais dont je ne partage pas le message politique. Car le message politique, c'est un message qui conforte celui de la droite nationaliste polonaise. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a peut-être des juifs qui sont tués par des paysans polonais, mais de l'autre côté, les juifs nous ont amené le communisme. La juge, dans ce film, est une juge communiste. Et c'est un discours qu'on a toujours entendu en Pologne. Donc là, je trouve que non, ce n'est pas acceptable comme message. Et nous sentons bien qu'en Pologne, il y a beaucoup de politique autour de ces questions-là, sans doute plus que chez nous. Sur la Shoah, je préfère de loin le film de Claude Lanzmann, Monument Shoah. Shoah. Oui, qui est un film, bah oui, et voilà, Yannis Schroeder. Shoah, c'est indépassable. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, hein, c'est, moi, j'étudie des extraits de Shoah qui frappent énormément les élèves. Et d'ailleurs, qui ressentent une émotion. Je pense évidemment à la scène du coiffeur Abraham Bomba, qui est terrible, et en même temps, qui permet de questionner la mise en scène, hein, le cinéma, ce n'est pas neutre, et l'histoire, hein. Et c'est ce travail combiné qui permet de faire appel à l'intelligence des élèves. Il faut faire confiance à nos élèves. Et là, vous avez à la fois l'histoire et l'émotion. Faire appel à l'intelligence des élèves, ça, c'est très important parce que c'est magnifique, c'est efficace. Et on peut leur faire confiance aux élèves. Ah, tout à fait. Il faut juste bien les guider. Merci beaucoup, hein, Yannis Schroeder. Merci, Audrey Kishlevski. Merci, Jean-Charles Churec. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, c'est l'entreprise Disney qui a fort à faire avec son passé. L'heure est à l'examen de conscience historique pour assurer sa force de frappe. La liste des précautions préalables ne cesse de s'allonger pour expurger un catalogue où s'expriment tous les maux du XXe siècle, de l'esprit du colonialisme au libéralisme sauvage de l'oncle Picsou des premiers temps. La persistance des traces de l'esclavage se pose aussi à l'entreprise Disney dans son catalogue bientôt centenaire. C'est l'objet de l'article de Christian Schellbourg, spécialiste de littérature et notamment de littérature jeunesse, dans The Conversation. Doit-on couper les scènes de discrimination qui pourraient choquer les spectateurs du XXIe siècle ? Disney a fait le tri et a adopté une politique du tout ou rien, puisqu'il montre une relation enjolivée à l'excès entre blanc et noir dans les plantations. Le dessin animé La Mélodie du Sud de 1946 a été banni. Pour d'autres films, comme Dumbo, Peter Pan, Le Livre de la Jungle ou encore La Belle et le Clochard, un message d'avertissement est inséré en début du fichier, visible au lancement. Mais une fois amendé son catalogue, Disney n'en a pas terminé avec son histoire et sa main de fer étroitement serrée sur la critique de ses contenus pendant la guerre froide. Le magazine Books publie la traduction d'un article du New Yorker de Dan Pippenbring qui relate l'histoire d'un best-seller publié aux États-Unis 45 ans après une première tentative avortée. Le canard Donald est à l'honneur cette fois-ci. En 1971, Ariel Dorfman et Armand Matlar sont au Chili et écrivent « Comment lire Donald, communication de masse et colonialisme ?» porté par les nouvelles libertés de l'expérience socialiste d'Allende, pour laquelle ils ne cachent pas leur enthousiasme. Cet ouvrage d'intervention s'inscrit dans une dénonciation généralisée de la servitude du sous-continent américain par l'Amérique du Nord, par de multiples voies, y compris celle du divertissement des plus jeunes. L'essai prend pour cible l'indifférence de Donald et de ses neveux au nom tout plein d'innocence, Riri, Fifi et Loulou, aux conditions de vie des sociétés qu'ils traversent au cours de leurs aventures pour y trouver des trésors souvent patrimoniaux, systématiquement évalués en fonction de leurs valeurs marchandes. Un univers où l'argent contient toutes les valeurs et les vertus sans histoire. En France, l'ouvrage paraît en 1976 sous le titre accusateur « Donald l'imposteur ou l'impérialisme raconté aux enfants ». Le livre de Dorfman est interdit et fait l'objet de destructions spectaculaires par le gouvernement du général Pinochet, qui a renversé Allende en 1973. Picsou est rétabli sur son socle de héros jusque sur les murs d'un bureau de ministre où il s'affiche en exemple d'un destin désirable. L'argent doit circuler, circuler de tous côtés, circuler, circuler pour prospérer. Il faut le diriger, le faire voyager. Si vous désirez qu'il prenne de la valeur, l'argent doit circuler, circuler de main en main. Et rouler sans arrêt, rouler sans fin. S'il ne bouge plus, tout va de travers. L'argent, ça doit circuler. Comment lire Donald devient un best-seller vendu à 500 000 exemplaires et parvient péniblement aux États-Unis dans les années 70, stoppé aux douanes qui n'en laissent filtrer que quelques exemplaires après le passage de l'équipe juridique de Disney, qui argue du risque de diffusion d'une propagande gauchiste confusément associée à sa marque. Le parcours du livre d'Ariel Dorfman, réédité aux États-Unis en 2018, contribue à la dénonciation des idéologies dans le divertissement, mais aussi à l'histoire des sensibilités aux images et à leurs messages, impossibles à vendre désormais comme d'innocentes fables proposées aux yeux des enfants et des autres. Voilà, merci Anaïs Kien. L'argent, ça doit circuler, et le journal de l'histoire aussi. Donc pour retrouver tous ces articles, réécouter ou podcaster le journal de l'histoire, rendez-vous sur le site franceculture.fr. Yannis Roeder, quand vous écrivez « Sortir de l'ère victimaire », c'est le titre de votre ouvrage chez Odile Jacob, vous abordez des sujets qui font mal, c'est-à-dire vous abordez le terrorisme lié aux radicaux de l'islam, ce qui est quelque chose qui est sans cesse mis en avant. Vous voyez cet islamisme qui reprend des formes d'antisémitisme ancien, mais c'est porteur d'espoir. Parce que tout est démontable et facilement démontable. En fait, les esprits des élèves que vous avez sont aptes à écouter ces évolutions. Écoutez, j'ai l'heure de le croire. Effectivement, l'immense majorité des élèves que j'ai en face de moi, quand ils tiennent des propos qui relèvent de l'antisémitisme, ne me semblent pas, ne m'apparaissent pas comme des enfants qui sont, comme des adolescents qui sont dans l'idéologie et qui sont idéologisés. Ils répètent ce qu'ils entendent, ils ont intégré des préjugés, des stéréotypes, qu'ils véhiculent sans nécessairement y réfléchir. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire à partir du moment où le professeur est solide et qu'il a les outils intellectuels pour démonter tout cela. Et puis les parents aussi, parce qu'ils peuvent lire, et les grands frères, et puis tout le monde globalement. C'est un travail commun et citoyen. Merci beaucoup à vous tous. C'était Le Cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. À nous retrouver sur le site internet Le Cours de l'Histoire, en podcast, sur le groupe Facebook. Demain, se libérer des camps. Oui, pour ceux et celles qui ont survécu à la déportation, comment se libérer de l'enfermement, mais celui qui reste dans la tête, qui reste dans les esprits.